Ézéchiel chapitre 38. La parole de l'Éternel me fut encore adressée, en disant, Fils d'homme, tourne ta face vers Go, au pays de Mago, prince des chefs de Mézèche et de Tubal, et prophétise contre lui. Et dis, Ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, voici, j'en veux à toi, Go, prince des chefs de Mézèche et de Tubal. Et je te ferai retourner en arrière, et je mettrai des boucles dans tes mâchoires, et te ferai sortir avec toute ton armée, avec les chevaux, et les gens de cheval, tous parfaitement bien équipés, une grande multitude avec des écus et des boucliers, et tout maniant l'épée, ceux de Perse, de Chu et de Pu avec eux, qui tous ont des boucliers et des casques. Gomé et toutes ses bandes, la maison de Togarma, du fond de l'Aquilon, avec toutes ses troupes, et plusieurs peuples avec toi. Apprête-toi, et tiens-toi prêt, toi, et toute la multitude qui s'est assemblée vers toi, et sois-leur pour garde. Après plusieurs jours tu seras visité, et dans les dernières années tu viendras au pays, qui aura été délivré de l'épée, et au peuple ramassé d'entre plusieurs peuples, aux montagnes d'Israël qui auront été continuellement en désert, tu viendras en ce pays-là, lorsque ce pays ayant été retiré d'entre les peuples, tous y habiteront en assurance. Tu monteras donc comme une ruine qui éclate, et tu viendras comme une nuée pour couvrir la terre, toi, et toutes tes bandes, et plusieurs peuples avec toi. Ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, il arrivera en ces jours-là, que plusieurs choses monteront en ton cœur, et que tu formeras un dessein pernicieux. Car tu diras, je monterai contre le pays dont les villes sont sans murailles, j'envahirai ceux qui sont en repos, qui habitent en assurance, qui demeurent tous dans des villes sans murailles, lesquelles n'ont ni barre ni porte. Pour enlever un grand butin, et faire un grand pillage, pour remettre ta main sur les déserts qui de nouveau étaient habités, et sur le peuple ramassé d'entre les nations, lequel va qu'à son bétail et à ses biens, au milieu du pays. Ce bas, et des dents, et les marchands de Tarsi, et tous ces lionceaux, te diront, ne vas-tu pas pour faire un grand butin, et n'as-tu pas assemblé ta multitude pour faire un grand pillage, pour emporter de l'argent et de l'or, pour prendre le bétail et les biens, pour enlever un grand butin? Toi donc, fils d'homme, prophétise, et dis à Go, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, en ce jour-là, quand mon peuple d'Israël habitera en assurance, ne le sauras-tu pas? Et ne viendras-tu pas de ton lieu, du fond de l'Aquilon, toi, et plusieurs peuples avec toi, de tout genre de cheval, une grande multitude, et une grosse armée? Et ne monteras-tu pas contre mon peuple d'Israël, comme une nuée pour couvrir la terre? Tu seras au dernier jour, et je te ferai venir sur ma terre, afin que les nations me connaissent, quand je serai sanctifié en toi, ô Go, en leur présence. Ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, n'est-ce pas de toi que j'ai parlé autrefois, par le ministère de mes serviteurs, les prophètes d'Israël, qui ont prophétisé en ces jours-là pendant plusieurs années, qu'on te ferait venir contre eux? Mais il arrivera en ce jour-là, au jour de la venue de Go sur la terre d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel, que ma colère éclatera. Et je parlerai en ma jalousie et en l'ardeur de ma fureur, si en ce jour-là il n'y a une grande agitation sur la terre d'Israël. Et les poissons de la mer, et les oiseaux des cieux, et les bêtes des champs, et tout reptile qui rampe sur la terre, et tous les hommes qui sont sur le dessus de la terre, seront épouvantés par ma présence, les montagnes seront renversées, les tours et les murailles seront abattues. Et j'appellerai contre lui l'épée par toutes mes montagnes, dit le Seigneur, l'Éternel, l'épée de chacun d'eux sera contre son frère. Et j'entrerai en jugement avec lui par la mortalité et par le sang, et je ferai pleuvoir sur lui, et sur ses bandes, et sur les grands peuples qui seront avec lui, des torrents d'eau, des pierres de grêle, du feu et du soufre. Je me glorifierai, je me sanctifierai, je serai connu en la présence de plusieurs nations, et elles sauront que je suis l'Éternel.